Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement d'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le marché immobilier, un bilan des 10 dernières années. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors tous les sondages le confirment, l'immobilier reste une valeur sûre pour les Français en dépit de la remontée des taux d'intérêt et des prix qui restent encore élevés. Les Français aiment investir dans l'immobilier, que ce soit pour accéder à la propriété ou pour réaliser un investissement locatif afin de constituer un patrimoine qui sera bien utile au moment du départ à la retraite. D'autres ont préféré le choix ou, par la contrainte, opté pour la location, statut qui concerne près de 40% des Français. Alors, en raison de cet engouement pour l'immobilier, on a constaté ces dernières années la multiplication des créations d'agences immobilières sous forme traditionnelle, avec des agences immobilières ayant pignon sur rue, ou sous forme de mandataires indépendants. Alors justement, nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco les deux cofondateurs d'une agence immobilière traditionnelle, à savoir l'agence Place Privée, agence immobilière installée Place des Vosges, et qui vient de fêter ses 10 ans. Bonjour Patrick Fresne et bonjour Lionel Gonzalez. Bonjour Jérôme. Voilà, vous êtes en synchro, c'est parfait. Alors après donc 10 ans dans la création de cette agence immobilière, c'est un bel âge. En tout cas, une belle réussite dans le paysage nancéen des agences immobilières. On va donc revenir un petit peu sur l'historique de votre agence, mais on va également profiter de votre anniversaire pour évoquer justement les grandes tendances qui ont impacté le marché immobilier ces 10 dernières années. Alors on va tout d'abord commencer donc avec un pitch. Je vais vous demander effectivement de présenter en une minute votre agence Place Privée pour convaincre de venir demain dans votre agence. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Place Privée ? Bien, mon cher Jérôme, en 10 ans, Place Privée est devenue l'agence des belles adresses à vendre, à louer et à gérer sur Nancy et Métropole, et puis depuis très peu sur Épinal. Alors, vous avez un projet immobilier, Jérôme, par exemple. Oui. Vous souhaitez vendre votre bien dans les meilleures conditions. Vous avez un projet de viager. Vous souhaitez mettre en gestion locative votre investissement. Eh bien, soyez nos hôtes et Place Privée s'occupe de tout. Et c'est dans cet esprit que nous accompagnons nos clients. Alors, fort d'une expérience de plus de 23 ans maintenant, c'est à la fois l'éthique, l'intégrité, l'efficacité qui forment les piliers de notre engagement envers nos clients et leur satisfaction guide notre priorité aussi au quotidien. Alors, 90% de nos clients nous le recommandent. Alors, ça, c'est pas nous qui l'inventons. Faut aller faire un petit tour sur Google, par exemple, ou sur Meilleur Agent. Et c'est pour nous aujourd'hui une vraie satisfaction d'avoir autant de clients qui nous recommandent et qui sont pour nous la preuve de la volonté de nos équipes, à la fois professionnelles et règlement formées, d'accompagner nos clients et de leur délivrer la meilleure qualité de service avec enthousiasme et beaucoup d'agilité. Alors, nous avons aussi un site internet qui est régulièrement référencé. Nous sommes très présents sur internet, sur les portails immobiliers les plus fréquentés et aussi très présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes très présents à la fois sur Facebook, sur Insta et sur LinkedIn. Et Place Privée se donne vraiment au quotidien les moyens d'une très belle visibilité pour l'ensemble de nos clients et la commercialisation de leurs biens. Alors aujourd'hui, Place Privée, ce sont 15 collaborateurs, salariés, formés, expérimentés. C'est plus d'une centaine de ventes par an. Donc c'est assez significatif sur le marché nancéen. Et ce sont plus de 500 lots en gestion. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui après 10 ans de dur labeur et d'investissement sur Nancy. Bien, félicitations pour cette belle synthèse donc, de votre agence, donc Place Privée. Alors justement, revenons un petit peu 10 ans en arrière. Alors comment est née Place Privée ? Alors c'est à la fois l'histoire de la rencontre de deux personnalités. Mmh. Celle de Patrick et puis la mienne, avec l'envie très forte de partager une aventure entrepreneuriale après des expériences réussies dans nos anciens secteurs d'activité. Pour nous aussi, c'était l'envie vraiment sérieuse et sincère de servir nos clients, de partager et réussir leur projet de vie. Et c'est aussi l'association de deux expériences professionnelles, à la fois Patrick dans le secteur bancaire et immobilier, et en ce qui me concerne dans le secteur des cosmétiques de luxe où l'excellence est de mise. Oui, tout à fait. Bon, là, vous avez relaté en quelques mots votre parcours professionnel, donc le secteur bancaire, c'est ça, pour Patrick. Oui, tout à fait. Oui. Hein, et vous, donc, le secteur donc, des cosmétiques de luxe. Sur des postes de direction commerciale et de marketing et de service. Tout à fait. Alors, donc, dans le domaine de l'immobilier, je suppose que la routine n'est pas de mise. Alors, chaque jour apporte son lot de surprises, ce qui doit rendre votre métier passionnant. Alors, justement, si on fait le bilan de ces 10 dernières années, pouvez-vous relater l'un de vos plus beaux souvenirs, mais aussi l'un des moments les plus difficiles à appréhender, Patrick, par exemple? Alors, me concernant, c'est en fait, nous avons ouvert l'agence au mois de septembre 2013, et effectivement, on avait prévu, quelques mois avant, on avait organisé toute la structure humaine de l'agence, avec des commerciaux à la vente, commerciaux à la location, la direction, bien sûr, et tous les jours. On ne s'ennuyait pas, puisqu'il y avait énormément de formations. Donc l'objectif, c'était prospection, pas n'importe comment, bien entendu, et ça a payé très très vite. Dans l'immobilier, quand on ouvre une agence, il faut savoir qu'il faut se prévoir de la trésorerie, 6 mois de trésorerie en règle générale, que la première vente peut intervenir au bout de 3 mois, mais on touche l'argent encore que 3 mois après, d'où les 6 mois de trésorerie. En ce qui nous concerne, on était très bien structuré et cette première vente est tombée, mais très très vite, sur de la prospection location, en fait. Donc c'est un client qui hésitait à vendre ou à louer, et donc pour le pousser à la vente, j'ai fait une analyse fiscale de sa situation, et donc pour lui c'était l'occasion de vendre, puisqu'il ne payerait pas de plus-value sur son bien par rapport à la durée de détention. Et en plus, comme il avait un projet de création d'entreprise, ça lui faisait un apport. Donc ce client qu'on a baptisé... Monsieur Caramel, pour des raisons professionnelles, on va dire, mais c'était très convivial, est revenu quelques années plus tard nous voir pour un second projet. Et moi, c'était une belle satisfaction à double titre. La première, c'était à titre professionnel, puisque on venait déjà de dépasser nos objectifs temporels, je veux dire. Et la deuxième, c'est qu'il est revenu nous revoir plusieurs années après, d'où c'était une preuve de satisfaction. Et donc Lionel, si vous avez un souvenir mémorable? Alors je parlerai plutôt d'un souvenir émouvant. C'était ma première vente en viager. Alors on est sur une activité qui est assez peu développée ou assez peu répandue, c'est moins d'1% des transactions en France. Et en ce qui me concerne, enfin, nous à l'agence, il y a maintenant quelques années, nous avons mis en place ce service. Et c'était cette première vente en viager. Le viager, c'est une vente particulière puisque là l'idée c'est de proposer un propriétaire âgé, senior, qui jouit d'une petite retraite, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Et donc c'est un accompagnement qui nécessite beaucoup d'attention, qui nécessite beaucoup d'humilité. C'est une vente avec beaucoup d'émotions finalement. Et la rencontre entre cette dame âgée et puis son acquéreur, qui est plutôt une dame d'une quarantaine d'années, ça a été vraiment des moments assez intenses d'explication, d'accompagnement, de façon à ce que les uns et les autres soient complètement satisfaits de cette proposition. Voilà, pour moi c'était un souvenir très émouvant, un accompagnement très émouvant et le plaisir de partager cette première vente en viager. Très bien. Alors tous les deux, vous évoquez un petit peu la mission de conseil donc d'un professionnel de l'immobilier. Alors justement, votre agence, elle a su se positionner sur le marché très concurrentiel des professionnels de l'immobilier. Alors sur quel point avez-vous axé votre différenciation par rapport à vos concurrents? Alors en ce qui concerne place privée, nous ne sommes pas arrivés dans l'immobilier par hasard en fait. Moi j'étais déjà dans la prestation de services dans le milieu bancaire, puis dans l'immobilier. Et entre les deux, j'avais une direction régionale dans l'immobilier où je formais plus d'une quarantaine d'agents immobiliers déjà installés, ou en tout cas j'essayais de les performer. Mais notre objectif premier, on va dire que c'était déjà de remettre l'humain au cœur du métier. Donc nous sommes très attachés à prendre en considération l'humain avant même la vente, puisque la vente d'un bien immobilier dépend en grande partie du projet de vie du client. Ça peut être des instants heureux, un mariage, une famille qui s'agrandit, un déménagement, que sais-je encore, comme ça peut être des moments très douloureux. Donc notre mission, c'est d'accompagner notre client, non pas en fonction de nos objectifs qui sont de vendre le plus vite, ce n'est absolument pas ça, c'est plutôt l'accompagner par rapport à lui, à son projet de vie et par rapport à ses délais. Si on ne prend pas en compte ces points humains, on passe à côté de notre métier, en fait. Donc ça, c'est la première chose, remettre l'humain au cœur du métier. La deuxième chose, on ne nous a pas attendu sur Nancy, ça va de soi, hein, il y avait déjà beaucoup de monde. Mais on a souhaité appliquer en tout cas les fondamentaux de notre profession. Donc on n'a rien inventé. Avant, comme je vous l'ai dit, je formais les agents immobiliers, donc je savais exactement comment il fallait s'y prendre et comment je devais former mon équipe. Donc ça, c'était un point. Et le deuxième point, c'était la partie marketing. Alors là, on a voulu faire quelque chose, on va dire, à notre sauce. Mon associé Lionel étant, lui, dans les cosmétiques de luxe, il avait déjà les codes du luxe, et qui nous convenaient très bien. Donc on a souhaité avoir une agence à notre image, en fait. Et c'est ce qui a fait match auprès des clients. Très bien, donc on voit bien l'importance hein, donc, du conseil, du côté humain, qu'on ne retrouve pas dans les fameuses agences en ligne ou les mandataires indépendants. Justement, on en parlera tout à l'heure après la pause musicale, puisqu'on reviendra sur les grands bouleversements du marché immobilier donc, ces 10 dernières années. Mais avant, on a pris l'habitude à l'instant écho de faire des pauses musicales. Et alors, j'ai demandé à chacun d'entre vous de me sélectionner une chanson ou une musique coup de cœur. Alors, on va commencer par Patrick Domfren. Quel a été votre choix ? Alors moi, j'ai choisi deux chansons. Je ne sais pas laquelle va ressortir du lot. Mais toujours est-il... Oui, je pense que votre premier coup de cœur. Alors le tout premier, pour moi, c'est Juliette Armanet, que j'adore particulièrement. Et je trouve que sur la scène française actuelle, on a des artistes vraiment qui sortent du lot. Et on a une nouvelle génération d'artistes, en tout cas, qui me plaît beaucoup et qui parle beaucoup la langue française. Très bien, donc on va écouter votre premier coup de cœur, donc Juliette Armanet, le dernier jour du disco. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin, ne me lâche pas, je te tiens. Vous êtes bien sûr Radio Fagette et nous vous accueillons pour cette émission L'Instant Écho, Patrick Frenne et Lionel Gonzalez, cofondateurs de l'agence immobilière Place Privée, pour évoquer effectivement leurs 10 ans de création. Alors avant d'aborder la deuxième partie sur les grands bouleversements du marché immobilier, Lionel Gonzalez, vous vouliez revenir justement sur les atouts de votre agence par rapport à la concurrence. Oui, sur les axes de différenciation qui aujourd'hui vraiment nous démarquent de nos concurrents. Nous avons toujours eu pour stratégie de nous concentrer sur Nancy, et d'être vraiment l'expert de Nancy, d'en connaître quasiment toutes ces ruelles, tous ces quartiers, les prix d'une rue à une autre. Vraiment, pour nous, c'était une expertise fondamentale à avoir. Et puis aussi avoir une belle connaissance de la vie et de l'histoire de Nancy. Entre la Renaissance, l'art nouveau, l'art déco, on a aussi cette volonté d'être extrêmement pointu et précis sur ce profil de bien que nous adorons proposer à nos clients, voire aussi du prouvé. On a eu la chance aussi de pouvoir commercialiser des signatures prouvées. Et puis, dernier point, c'est notre façon aussi d'être acteur de la vie culturelle et associative de Nancy. En l'occurrence, Patrick et moi-même sommes membres du Rotary Club, par exemple. Nous avons aussi une vraie volonté d'être dans l'animation de cette association et d'être dans l'action sociale. Et enfin, nous sommes fiers aussi d'être tout récemment administrateurs de la Cité du Fer, qui est un nouveau centre à Jarville, qui est dédié autour de l'art, le métier d'art. Et c'est une de nos valeurs aussi, une de nos passions, les métiers d'art. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir participer à cette histoire de Cité du Fer à Jarville. Oui, je crois que vous avez plusieurs passions. On y reviendra tout à l'heure en fin d'émission. Alors, puis je voudrais, avant de parler un petit peu marché immobilier, vous revenir sur un petit peu vos souvenirs, et notamment les souvenirs un petit peu difficiles sur le marché immobilier, Monsieur Frenne. Alors, mon souvenir le plus difficile, effectivement, il est relativement récent. Quand je vous disais qu'il faut remettre l'humain au cœur de ce métier, heureusement que c'est notre philosophie, parce que les ventes, elles pourraient casser en cascade sans problème. Donc là, ma dernière aventure, parce que ça reste une aventure, à la fois une aventure humaine et puis intellectuelle, c'était la vente d'une maison sur Nancy dans le cadre d'une succession où les héritiers ne s'entendent pas. Donc maison squattée, ah oui. Maison avec cuve à fioul, qui sont désormais interdites quand la chaudière est morte, et c'était le cas. Maison pas vidée, il fallait la vider, donc c'était très compliqué. Problèmes ancestraux de cadastre, qu'il fallait régulariser avec les voisins, qui n'étaient pas forcément d'accord. Donc on a eu souci sur souci. Heureusement, j'ai été soutenu par quelques partenaires notaires, en l'occurrence, qui m'ont accompagné, par d'autres partenaires pour me négocier des tarifs, pour résoudre le problème, puisque personne ne voulait rien payer. Donc ça a pris un an et demi, et donc j'étais très content d'aboutir, puisque j'ai appris énormément de choses, en tout cas sur ce dossier, sur l'être humain aussi, on en apprend beaucoup. Et content de conclure cette transaction, parce que se battre comme ça pendant des mois, voire presque deux ans sur un dossier, étant précisé que derrière j'avais déjà des acquéreurs depuis un an et demi qui attendaient, là c'était une grande satisfaction, souvenir difficile, mais au final une très belle satisfaction. Oui, on est loin de l'image des émissions immobilières, hein, de la télévision. Tout à fait. Hein. Et là j'appuie ce que vous dites, puisque entre l'image qui est relayée sur les réseaux, à la télévision, et ce que vit l'agent immobilier au quotidien, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas je fais une visite, je vends, je prends mes honoraires. C'est pas du tout ça. Derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des situations compliquées et douloureuses, et à nous de savoir gérer et de nous adapter et de trouver les solutions. Parce que c'est pas juste une maison à vendre, il y a beaucoup de choses derrière. Donc ça reste quand même de très belles aventures à mon sens. Bien. Sachant que l'achat immobilier est la deuxième source de préoccupation des Français, après la première qui consiste au divorce. Voilà, première source de difficultés et d'accompagnement. Alors justement, donc, pour acquérir un bien immobilier, donc, les Français sont confrontés donc, à certaines tendances. Alors une tendance qui s'est passée donc, sur ces 10 dernières années, c'est l'évolution des prix immobiliers. Hein. Au niveau national, on constate que dans 10 ans, les prix ont augmenté de 30%, loin hein, donc, de la hausse des revenus qui est beaucoup moindre. Alors qu'en est-il pour Nancy ? Alors pour Nancy, la hausse est un peu inférieure à 30%. Sur les dernières statistiques en 10 ans, sur l'évolution des prix des appartements par exemple, sur Nancy, nous sommes plutôt sur une tendance de plus 21%. Et en ce qui concerne les maisons, là j'ai plutôt une statistique sur les 5 dernières années, on est sur une tendance de plus 27%. Voilà ce qu'on peut dire sur ce qui se passe à Nancy. Après, d'un secteur à un autre, d'un quartier à un autre, globalement tout le monde a évolué, tout le monde a progressé en termes de prix au mètre carré. Mais il n'existe pas en fait un marché immobilier, il existe des marchés immobiliers hein, dans une ville oui, en fonction oui. hein, des rues. Mais en moyenne, pour acheter un appartement à Nancy, c'est le prix au mètre carré. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne les appartements, vous êtes en moyenne à 2 300 € du mètre carré pour un appartement. Et pour les maisons un peu plus chères, vous êtes sur 2 900 € du mètre carré. Alors sachant que la fourchette est assez large, on va pour les appartements entre 1 500 € jusqu'à 3 000 € du mètre carré, et pour les maisons au plus bas 1 900 € jusqu'à presque 4 000 € du mètre carré. Tout à fait. Et en préparant l'émission, j'ai constaté qu'effectivement qu'à Nancy, il y a un marché un petit peu particulier, puisque les appartements représentent quasiment 90% du parc et les maisons à peine 10%. Et donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est que sur Nancy, la part des ménages propriétaires de leur résidence principale représente à peine 30% de ce marché. Donc, on est essentiellement sur un marché locatif et notamment très dynamisé par l'activité de nos étudiants, puisqu'on a plus de 50 000 étudiants sur Nancy. Il faut aussi loger. Et donc là, c'est une vraie belle dynamique de la ville de Nancy, avec une belle rentabilité à clé. C'est vrai que dans les grandes métropoles, on constate que c'est un marché immobilier tout à fait différent par rapport aux moyennes nationales. On nous dit qu'il y a 58% de propriétaires en France. C'est pas le cas dans les grandes métropoles et vous l'avez effectivement très bien précisé. Tout à fait. Autre révolution sur le marché immobilier, c'est l'arrivée depuis quelques années des mandataires indépendants. Alors, bon, pouvez-vous décrire pour nos auditeurs en quelques mots ces nouveaux concurrents et comment vous avez réussi à appréhender le poids croissant de ces nouveaux professionnels ? Juste une petite précision, les mandataires indépendants, nous sommes des mandataires indépendants. Par définition, nous sommes des mandataires, puisque agents immobiliers et indépendants, puisque nous ne dépendons pas, nous n'appartenons pas en tout cas à un réseau. Maintenant, vous faites allusion, quand on dit les mandataires indépendants, plutôt des mandataires à distance. Voilà, tout à fait. Voilà. Et dans notre jargon, on parle de vitrinés, pour ceux qui ont des vitrines et qui sont indépendants, et on parle de ceux qui ne sont pas vitrinés. Ceci dit, comment on voit cette évolution ? Eh bien, écoutez, c'est le marché évolue. Voilà. Donc, il faut se mettre un petit peu à la page. On doit faire avec, certes. Maintenant, c'est un marché sur lequel il y a un gros turnover. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans ces réseaux et qui ont une vision du marché qui leur semble bien sympathique, comme je le disais tout à l'heure, au regard de ce qui est relayé et dans la presse et à la télévision, ou sur les ondes, peu importe. Et donc, on y va. On se dit, pourquoi pas moi ? Alors, pour certains, ça marche très bien. Ça va de soi. Pour d'autres, un peu moins, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est un métier à plein temps. C'est notre métier, ça s'arrête pas à 18h. À 18h, on continue. À 20h, on peut encore avoir des clients. Le week-end, on peut avoir une urgence. Bon, bien sûr qu'on sait s'arrêter, mais c'est du matin au soir, c'est toute la journée qu'il faut être présent pour ses clients. Et voilà, donc ça fait notre différence. On a pignon sur rue, il y a toujours quelqu'un pour accueillir nos clients. On a toujours une assistante qui est présente ou des commerciaux. Ça fait déjà une partie de différence. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait peur de la disparition des agences immobilières traditionnelles, mais je pense que, comme vous l'avez constaté, l'importance du conseil, l'importance de l'humain, ça permet effectivement de vous différencier par rapport à ces mandataires. Tout à fait, il faut les prendre, à mon sens, il faut les prendre en considération. C'est des évolutions de la profession qu'il ne faut pas négliger. Il faut l'écouter, il faut l'observer, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Mmh. C'était aussi le cas pour toutes ces entreprises qui proposaient des prestations avec des forfaits à, oui, à 1000, 2000 euros, pas plus, par rapport à nos honoraires, nous, traditionnels. Nous, en moyenne France, on est à 4,8% de taux d'honoraires. Ces agences-là ont complètement disparu. Elles ont levé des millions et des millions. Et aujourd'hui, le constat fait que toutes ces jeunes pousses qui remontent à 4 ou 5 ans n'existent plus sur le marché. Donc la place humaine de l'agent immobilier est fondamentale. Aussi, par rapport à ces mandataires à distance, donc on lutte pas contre ça. Ça fait partie de l'environnement et de l'évolution de l'environnement et de notre métier. Et ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, après 10 ans, quand je fais un petit flashback par rapport à mon démarrage dans cette activité-là que je ne connaissais finalement pas du tout. Pour réussir dans ce métier, il faut vraiment être tenace, il faut être dans l'apprentissage permanent, il faut bosser énormément. Et tous ces jeunes agents, enfin ces conseillers immobiliers à distance, pourquoi il y a un tel turnover ? C'est parce que c'est un métier, ça ne s'improvise pas et c'est extrêmement dur à faire au quotidien et c'est extrêmement dur à percer et à réussir. Même si aujourd'hui on voit des tas d'émissions où tout semble être extrêmement fastoche, non. Non, c'est vrai, il faut vraiment une vraie aptitude professionnelle, oui, pour satisfaire au mieux le client. Le temps passe très très vite, on va passer maintenant à la deuxième pause musicale. Alors je crois que Patrick, vous avez réservé une petite surprise à Gonzalez. Oui, c'est un clin d'œil, puisque je connais un peu la passion musicale de mon associé. Donc là, j'avais choisi le groupe ABBA. Ah, ah voilà. Avec Mamma Mia. D'accord. Eh bien, voilà, on écoute cette chanson. Belle idée. Now êtes bien sur Radio Fadjet dans l'émission L'Instant Éco. Nous accueillons pour cette émission Patrick Fresne et Lionel Gonzalez, cofondateurs de l'agence immobilière Place Préfet, pour faire notamment un bilan de ces 10 dernières années. Alors justement, depuis quelques mois, on a assisté à une remontée impressionnante des taux d'intérêt en l'espace. Dans moins de deux ans, ces taux sont passés de 1 à 4%. Alors quel a été l'impact sur votre activité de cette remontée des taux d'intérêt ? L'impact est assez immédiat finalement, puisque depuis quasiment le deuxième semestre de l'année dernière, le ralentissement de l'activité s'est très fortement ressenti. C'est qu'à la fois, on a toute une série de potentiels clients qui sont sortis du jeu puisqu'ils ne peuvent plus accéder finalement à des prêts bancaires par exemple. Donc ça nous a vraiment coupé de beaucoup de ventes. Et puis aujourd'hui, il faut aussi des apports assez importants pour le montage financier. Donc là encore, ça nous retire de beaucoup de clients potentiels. Si on prend un exemple, ou deux exemples, hein, un peu chiffrés, sur des statistiques que je viens de sortir à l'instant, un célibataire de 25 ans qui, par exemple, n'a aucun crédit, un peu d'épargne, avec un salaire d'environ 1600 euros, eh bien, il y a deux ans, donc en 2021, il pouvait accéder à un prêt d'environ 140 000 euros. Aujourd'hui, avec les taux qui sont quasiment à 4,5, il a perdu 39 000 euros de pouvoir d'achat, de pouvoir d'acquisition. Donc ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc par rapport à ça, vous faites des choix, une chambre de moins peut-être, ou on achète plus petit, ou on change de quartier. Et puis sur un autre cas aussi, assez significatif, un couple par exemple, 32-35 ans, là encore, aucun crédit en cours, avec de l'épargne qui ont environ un salaire de 5 000 euros par mois. Et bien en 2021, ils pouvaient s'offrir un prêt aux alentours de 435 000 euros. Aujourd'hui, ils ont perdu 110 000 euros en pouvoir d'acquisition. Donc c'est extrêmement significatif, ça bloque complètement le marché aujourd'hui. Donc le marché est vraiment atone. C'est ce qui explique effectivement la baisse assez significative effectivement des ventes en 2023. Alors j'ai constaté que vous étiez quand même des professionnels très heureux à travers vos propos. Alors justement, si vous deviez donner envie à des jeunes qui se lancent dans la formation immobilière, que pourriez-vous leur dire aujourd'hui pour terminer cette émission, hein, parce qu'on arrive à la fin de cette émission? Alors, je leur dirais aux jeunes, déjà, il faut avoir la passion pour l'autre, pour l'homme, j'y reviens, hein, toujours l'humain au cœur du métier. Mais au-delà de ça, l'immobilier, en fait, c'est pas juste une agence immobilière. Et même dans une agence immobilière, il peut y avoir de nombreux métiers. Si je prends le cas de notre agence, entre la direction, manager, community manager, service location et puis directeur de gestion locative, les commerciaux à la vente, bon, et il y a plein de métiers au-delà de tout ça, ça peut être des gestionnaires de travaux, des promoteurs, etc. etc. Donc il faut que les jeunes, au-delà de l'image qu'ils ont de l'immobilier qui est véhiculé à la télévision, approfondissent un petit peu et soient en phase avec la profession qu'ils veulent réellement faire. Parce que l'immobilier, c'est très très vaste. C'est comme si on me disait, je veux être dans le médical. Bah, dans le médical, c'est pareil, il y a des dizaines, des centaines de métiers. Bah, dans notre métier, c'est pareil. Donc, il faut être en phase avec son futur job et puis avoir la passion de l'autre, de rendre service, aimer le service aux particuliers ou aux professionnels. Être passionné, je pense que ça mène très très loin. Et puis ce qui me surprend, c'est que vous arrivez aussi à concilier des passions. En deux mots, je crois que vous êtes passionné par les jardins. Oui, tout à fait. Les jardins, les métiers d'art, ces deux activités-là pour lesquelles nous sommes particulièrement attentif, et notamment tous les ans on ouvre notre jardin pour accueillir des artistes et des métiers d'art, et puis surtout c'est une belle occasion de faire connaissance avec nos clients de manière différente, sous un angle tout à fait différent, et de nous voir plutôt en short qu'en costume dans nos jardins. ça change aussi un peu l'image et notre image peut-être un petit peu stricte que nous avons Place Privée. Juste un point, vous parliez des jeunes tout à l'heure, il y a aussi, c'est un très beau métier aussi pour la reconversion. Dans les profils que nous recrutons aujourd'hui, certes les jeunes, mais il faut vraiment qu'ils s'accrochent parce que le métier, c'est un métier, c'est réglementé, c'est extrêmement un métier qui nécessite vraiment de s'investir beaucoup, mais aussi pour ceux qui font la reconversion. On prenait notre cas entre Patrick et moi-même, finalement nous sommes mis dans l'immobilier après une expérience déjà plutôt bien réussie. Voilà, c'est aussi une formidable aventure pour ceux qui souhaitent changer d'activité et se lancer dans ce profil de métier. Bien, merci Patrick Fresne et Lionel Gonzalez d'avoir partagé votre passion pour l'immobilier. J'espère que cette émission donc vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et de nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez aborder dans cette émission. Eh bien, merci à vous deux de m'avoir accompagné. Merci Jérôme. Merci Jérôme. À très bientôt, et donc n'oubliez pas donc de rester fidèles à Radio Fadjet.